on n'a pas l'éternité. Pour tout recommencer, et se déchirer encore. On devrait être d'accord. Difficile d'imaginer que demain serait sans toi. Je te donne tout ce que j'ai au fond de moi. Je te donne tout, mes peurs et toutes mes joies. Je te donne tout ce que j'ai au fond de moi. Je te donne tout, mes peurs et toutes mes joies. Bien au-delà de ces nuages, et se donner du plaisir jusqu'à en mourir. S'aimer à devenir fou sans perdre la raison. Je te donne tout ce que j'ai au fond de moi. Je te donne tout, mes peurs et toutes mes joies. Je te donne tout ce que j'ai au fond de moi. Je te donne tout, mes peurs et toutes mes joies.